tries to hold on to his pride. I thought you would be by my side. Alors, sur les ondes de CKRL, à l'émission Terra Incognita, c'était le groupe de Montréal Mystery, tiré de leur plus récent album intitulé The World is a Game, et c'était la pièce Pride. Alors, une belle pièce de départ pour cette émission de Terra Incognita du 24 novembre 2012, et c'est Bruno Côté qui est à l'animation et au choix musical ce soir, et Marc Chaunet à l'animation pour présenter ce choix. Alors donc Mystery a bien débuté et ils ont fait une visite récemment ici en spectacle. On espère les voir en fait un groupe, pas en première partie. J'aimerais bien voir un spectacle complet avec Mystery. Cet album-là et l'album précédent en particulier sont vraiment excellents. Ils vont d'album en album en s'améliorant. Et il y a plusieurs musiciens, donc il y a quatre musiciens de grand talent sur ça. Benoît David à la voix, Michel Saint-Père aux guitares électriques et claviers. Il y a Antoine Fafard à la basse, et il fait aussi des guitares, et Nick de DeVigilio au drum. Alors, excellent album, donc, et c'était la pièce Pride. On va poursuivre maintenant on va faire un tour en Italie d'abord, avec Ornitos. Parlant d'italien, on a eu donc The Watch qui était ici hier et avant-hier pour un excellent spectacle à la scène Le Bourgneuf. Ils nous ont promis qu'ils seraient ici l'an prochain aussi, donc avec un nouvel album et un nouveau spectacle. C'est à suivre. Alors, on va débuter avec Ornitos. C'est une formation en fait avec des musiciens du groupe Il Bacio della Medusa et qui ont fait un excellent disque concept intitulé La Trasfigurazione, et on écoutera la pièce Somalizando, La Lore di Fuoco, et on va poursuivre avec un groupe américain District 97 tiré de leur plus récent Trouble of Machines. Ça brasse pas mal plus avec la pièce Who Cares, et on vous revient. Alors, on y va tout de suite en musique avec Ornitos et District 97.

Ensuite, on va terminer ça, le bloc, avec un groupe d'Angleterre, The Future Kings of England, tiré de Who Is This Who Is Coming, leur second album, et la pièce Face of Crumbled Linen. Alors, donc, un bloc musical avec Ignatius, La Maschera di Cera et The Future Kings of England sur les ondes de CKRL à l'émission Terra Incognita.

On va terminer cette émission avec un dernier bloc musical. Donc, pour la dernière demi-heure, un choix de Bruno ce soir, toujours très bon. Et le groupe Is, qui est un groupe de l'État de New York, un excellent groupe. Et c'est leur plus récent album, Crush of Night. Il y a une excellente longue pièce sur ça, intitulée This Reality. C'est la première partie de la pièce Crush of Night, là, qui est composée de cette pièce et de la seconde de Crush of Night. Donc, deux grandes pièces, c'est pour en faire une, finalement. Ils l'ont coupé en deux, peut-être. Des fois, c'est plus le fun à écouter. Alors, donc, This Reality, la première partie donc de Crush of Night. Et on terminera avec un groupe du Québec, de la région de Drummondville, Métaou. La jeune relève du rock progressif, rock alternatif avec la pièce War Over Life. Mais d'abord ça. Et on a eu une petite confirmation au niveau de la convention Terra Incognita qui aura lieu en mai 2013. Et il y aura RPVL et The Flower Kings, les deux têtes d'affiche, si on veut. Et également les groupes Fido. Et le groupe américain Fido, donc P-H-I-D-E-A-U-X pour ceux qui ne le connaissent pas. Et c'est un groupe extraordinaire. Et il y aura aussi de l'Italie, le groupe Il Castello di Atlante. Alors, qui sont confirmés. Il reste deux groupes à confirmer et les billets sont en vente donc au Centre d'art La Chapelle au mois de mai 2013. C'est à ne pas manquer, donc on vous en reparlera amplement dans les prochaines émissions. Donc, en musique, on y va avec le groupe Is, tiré de Crush of Night et Metao. Just passed, we looked to find the meaning. Shoulder,